Laitier de nuit, de Andrei Kourkov. Adaptation Julie Guichard. Réalisation Pascal Deux. Troisième épisode. Fable politique et chimérique où des dizaines de vies se croisent dans les recoins de l'hiver ukrainien, le laitier de nuit poursuit sa route. Une nouvelle rencontre avec Yegor a donné à Irina des envies de changement. Elle demande une augmentation, se la voit refuser et se fait percuter par une voiture. Véronica prend le café avec la veuve du pharmacien, tandis que Semyon, son mari, se réveille avec un énorme bleu sur la cuisse. Ne pouvant l'expliquer ni à sa femme ni à lui-même, il demande à son ami Volodka de le suivre la nuit. La mallette remplie d'ampoules fait parler d'elle. Et Dima achète à prix de cognac un chat identique à celui disparu pour leurrer sa femme. Ainsi se poursuivent ces histoires qui avaient commencé par une nuit d'hiver à Kiev. Kiev, rue Grochevski. Irina ouvrit les yeux sans savoir où elle se trouvait. Irina. Tout paraissait jaune à la lumière des Irina. Trois lampes fixées au plafond étonnamment bas. Irina. Que se passe-t-il? Je suis où? Irina, c'est Yegor. Vous inquiétez pas. On est dans une ambulance. Hein? Vous avez pas de fracture. Non, ça va. Juste des bleus et des contusions. Attention, on peut toujours craindre une commotion cérébrale. Où m'emmenez-vous? Nulle part. Essayez de remuer les doigts et les orteils. Je vais vous ramener chez vous. Oui, c'est mieux d'éviter l'hôpital. Il y a là-bas une telle collection de germes infectieux. Autant aller directement au cimetière. En attendant, moi, je veux pas de problème. Comment ça, pas de problème? Si la petite fait une commotion dans son lit, c'est sur moi que ça va retomber. Et puis, si je perds mon boulot... Ouais, ça va, j'ai compris. Et voilà de quoi compenser les risques. Dans ce cas, qu'elle reste allongée quelques jours et ça devrait aller. Allez, Irina, levez-vous. Voilà, d'abord les jambes, doucement. Voilà. Allez. Je suis allée voir la directrice pour demander une augmentation. Elle m'a à peine laissé parler et m'a menacée, disant que j'avais de la chance, qu'il y avait plein de femmes qui donneraient leur lait pour moins que ça, qu'elles pouvaient me remplacer. Je me suis sentie tellement bête. Je savais pas quoi faire, alors je suis sortie et j'ai couru. J'ai pas vu la voiture qui arrivait. Une demi-heure plus tard, la Mazda rouge se retrouvait devant la maison d'Irina. Tenez. Considérez ça comme l'augmentation demandée. Ajoutez une prime de congé. Yegor... Si. Prenez, j'y tiens. Restez au calme pendant une petite semaine. Je passerai bientôt prendre de vos nouvelles. Irina demeura immobile devant sa porte, jusqu'à ce que la voiture rouge se fût fondue dans les étranges ténèbres de cette nuit d'hiver. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. C'est Mignonne. Chérie, réveille-toi, il est déjà 11h. 11h? Eh oui. Ça va, t'as bien dormi, toi? Je t'ai pas filé des coups de coude cette nuit? Non, pas du tout, tu dormais à poing fermé. Oui? Semyon, c'est Volodka. Rejoins-moi au café, je suis pas loin. D'accord, j'arrive. Je veux dire que tu m'as fait passer une sacrée nuit. Je suis sorti de chez moi cette nuit? Oui. Et je suis allé où? À 2h20, tu es sorti de chez toi. Tu as marché jusqu'à l'angle de la rue Streletskaya et du boulevard de Yaroslav. Tu as longé l'hôtel Radisson pour tourner ensuite dans le début de la rue Franco et prendre l'escalier qui descend jusqu'à la rue Menitsky. Je peux te dessiner tout l'itinéraire sur un plan. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est alors? Le plus intéressant, c'est que tu étais attendu. au coin du passage Tchekhov et de la rue Gonchar. Attendu par qui? Une belle grande blonde en long manteau de fourrure. Tu rigoles? Et alors? Vous vous êtes embrassés, presque sans un mot. Mais non, et après? Tu l'as accompagnée dans le passage Tchekhov. Vous êtes restés 5 ou 6 minutes sous le porche de son immeuble, c'est tout. Elle est rentrée chez elle, et toi aussi. Mais elle habite où? Elle s'appelle comment? Je ne lui ai pas parlé. Tu devrais aller voir un toubib. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je plaisante pas. T'as besoin d'un psychiatre. Mais je suis pas fou, dans l'ensemble, je suis normal. Tu es somnambule. Et je vais t'apprendre autre chose. Il y avait un gars qui te suivait. Quand il m'a vu, il s'est éclipsé. Bon. Tu peux aller te reposer. Je peux encore te surveiller 2 ou 3 nuits, si tu veux. Oh, ce sera sans doute nécessaire. Borispol, rue du 9 mai. Il semblait que la joie de Valia ne connaîtrait pas de bornes. Dima se tenait près de la fenêtre de la cuisine et observait sa femme qui valsait, le chat gris dans les bras. Amaigri et copieusement barbouillé de crasse et de poussière du garage, le chat ressemblait à présent comme 2 gouttes d'eau amourique. Après son jeûne forcé, il avait perdu non seulement toute énergie, mais aussi tout désir de résister. Valia l'avait lavé et brossé, et le chat, en dépit de son évidente maigreur, avait pris l'aspect d'un animal de compagnie soigné et pomponné. Satisfaite d'avoir vu Mouric dévorer son repas, elle proposa à son mari d'aller au restaurant. Après le dîner, ils rentrèrent chez eux sans se presser, bras dessus, bras dessous. En ouvrant la porte, Dima découvrit un message. Je te rejoins. Quand tu rentres, appelle-moi de toute urgence, Boris. Dima l'appela aussitôt. Boris arriva 20 minutes plus tard et proposa à Dima de le rejoindre dehors. Alors c'est quoi ton urgence? Je te rachète tes ampoules. Ah bon? Dis revenir pièce. Et pourquoi? T'as réussi à savoir ce qu'elles contenaient? Non. Mais j'ai quand même trouvé des clients. Allez, réfléchis pas. Dis revenir, c'est pas beaucoup. Bon, disons 20. 30. D'accord. Mais dépêche-toi. Je t'attends dans la voiture. D'accord, d'accord. Dima s'en fut à son garage. Là, il plaça dans un sac presque toutes les ampoules, ne gardant pour lui qu'une 10aine de boîtes, à tout hasard. Ça, je garde ça pour moi, on sait jamais. La transaction eut lieu dans la voiture de Boris, à la pâle lumière de la veilleuse de l'habitacle. Il avait le sentiment qu'avec Boris, le déplaisant épisode de la valise noire s'en allait rejoindre le passé. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Le matin. Irina posa les yeux sur son réveil électronique. L'argent que lui avait donné Yegor la veille était glissé dessous. N'espère pas. Il va pas te donner constamment des sous. Il a eu pitié de toi, voilà tout. Irina considérait les billets de 100. Son minibus était arrivé depuis Belle Lurette à Kiev. Elle n'irait nulle part aujourd'hui. Je vais la promener. Mais tête belle, tu penses qu'on pourra se dépatouiller avec ma retraite? Irina promena Yasia, emmitouflée dans une chaude couverture, sur le sentier gelé menant à la frontière du village. Parvenue au bord de l'escarpement, elle prit Yasia dans ses bras, s'assit sur une luge et se pencha légèrement en avant pour la faire basculer dans le sens de la pente. Un sourire naquit tout seul sur ses lèvres, indifférent au vent, au froid et à la neige dont on ne savait si elle tombait du ciel ou de la cime des pins. Irina ne rentra chez elle qu'au bout d'une heure. C'est quoi tout ça? Des bonbons, du jus, des oranges, du chocolat? Il y a un gars qui est passé te voir. Celui qui t'a donné des sous, c'est sûr. C'est lui qui a tout étalé comme ça? Ah non, c'est moi. Je voulais voir ce que c'était. Mais il te faut pas d'agrumes. Ça te ferait tourner le nez. T'as faim, Mayasia? Boira jamais tout ton lit. Si, la pièce. qu'au moins on te donne des sous en échange. Irina poussa les cadeaux de Yegor jusqu'au bord du lit et s'étendit sur le côté, oui, le dos tourné à sa mère. Mon petit bébé. Kiev, rue Vorosky, appartement numéro 17. Pendant que Daria Ivanovna était à la cuisine pour faire du thé, Véronica promena son regard autour d'elle. Elle nota l'absence de tout portrait du défunt mari de la maîtresse de maison. Il faut encore que je retire cette couronne pour le week-end. Vous rentrez chez vous tout de suite après ? Oui. La nuit tombe de bonne heure à présent. Je pense que si vous la raccrochez à sa place en passant, personne ne le remarquera. Peut-être... Non, vraiment, je ne sais pas comment vous prendrez ça. Quoi ? Vous n'êtes pas timoré. Vous vous êtes même interposé pour moi. Vous avez un peu de temps ? Oui. Bien. Finissez votre tasse. C'est à deux pas d'ici. Dehors, l'air avait fraîchi. Il commençait à faire sombre. Véronica et Daria Ivanovna s'arrêtèrent devant un portail métallique qui barrait l'accès à un passage voûté ouvrant sur une enfilade de cour intérieure. Voilà, c'est ici. Daria Ivanovna appuya sur le bouton de l'interphone. Abonné 32-1. Voilà. Vous voulez que je vous installe dans le salon des rencontres ou vous préférez rester ici ? Il n'y a personne. Asseyons-nous là. Véronica obtempéra. Très bien, je vous laisse. Elle regardait le corps couché dans le tiroir de fer. C'était la première fois de sa vie qu'elle percevait le souffle de la mort, le souffle glacé de la mort de l'autre. Je te présente. C'est mon cher Edic. Je pensais que vous l'aviez déjà inhumé. Je n'ai pas envie. Ça ne me paraît pas humain. Décider d'enterrer, d'ensevelir dans la terre. Ça revient à oublier tout de suite. À se défaire du corps et de tout ce qui, dans ta vie, lui est lié. Tiens. Du whisky. On gèle ici. Quelle sorte de whisky ? Quelle sorte ? Je n'en sais rien. Edic aimait le whisky. Il y en a une dizaine de bouteilles dans le bar, toutes différentes, toutes offertes par des personnalités Merci. Connues, des hommes politiques. Il les soignait. Il les soignait ? Mais il était pharmacien, pas médecin ? Il était pharmacien préparateur. Il élaborait sur commande des remèdes individuels, d'après d'anciennes formules aujourd'hui interdites. Buvons à sa mémoire. Je crois que bien des gens sont malheureux aujourd'hui de l'avoir perdu. Ce qu'il faisait, les autres auraient eu peur de le faire. On peut le garder ici plusieurs années, même si ça coûte cher. C'est une morgue privée. C'est destiné aux étrangers qui doivent être rapatriés chez eux pour y être inhumés. Je crois que mon Edic est le seul ici originaire de Kiev. Mais il n'y restera pas longtemps. Ah bon ? Nous le reprendrons bientôt à la maison. Pas loin d'ici, il y a un atelier. Autrefois, on y empaillait les chiens et les chats. Ils ont récemment acheté la licence pour la plastinisation des corps. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est comme un embaumement, mais en moins cher, plus rapide et plus durable. On peut commander n'importe quelle position du défunt et ensuite la faire modifier, coûtera supplément. Edic aurait approuvé cette idée. Il adorait la science. Avant sa mort, à la demande d'une cliente, il travaillait à l'élaboration d'un remède spécial. Un remède ? Un remède contre la peur. Il l'avait baptisé Antifrousse. Peut-être que c'est à cause de ce médicament qu'on l'a tué. Edic avait réussi à mettre au point un premier lot expérimental, mais il était très inquiet quant aux effets secondaires. Des effets d'ordre psychique. Mais des effets d'ordre psychique, qu'est-ce que ça signifie ? Ils deviennent fous. Non, c'est quand tout à coup, du jour au lendemain, ils deviennent honnêtes et bien élevés. Je veux parler des politiciens. Les gens normaux, eux, ils achètent leurs médicaments en pharmacie. Je n'ai jamais interrogé Edic en détail, mais à la pharmacie, il avait son cabinet. Et quelquefois, il préparait ses lots expérimentaux la nuit, quelque part à Darnitsa. Je vais vendre le cabinet. Si tu veux, on peut y passer. Je te le montrerai. Oui. Véronica n'avait aucun désir de voir le cabinet du mort. Elle avait encore moins envie de rester assise à cette table avec sous les yeux le tiroir métallique dans lequel gisait le cadavre congelé d'Edic. Lequel, du reste, avait été assassiné à deux pas de chez elle, la nuit même où Sémion était rentré à la maison au petit matin, avec une tache brune sur la manche et dans un état bizarre. À force d'y penser, son mari s'imposait dans son esprit comme possible candidat au rôle de meurtrier de sang-froid. Mais Sémion était incapable de brutalité, c'était simplement une absurde coïncidence. Véronica avait froid, et du regard, elle demanda à Daria Ivanovna de remplir à nouveau son gobelet. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Sémion se réveilla là où il s'était endormi tantôt, dans son fauteuil. Il consulta sa montre. 5h30. La nuit tombait déjà. Tout était silencieux dans la maison. Il colla son nez contre la vitre glacée et pensa à la blonde qu'il avait embrassée la nuit dernière, au dire de Volodka. Il trouva le bout de papier avec l'adresse, revêtit son cher anorak et sortit. Il se retrouva bientôt, sans s'en rendre compte, rue Tchekhov, devant l'immeuble indiqué par Volodka. Il monta au 3e étage, pressa la sonnette. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez ? Vous ne me reconnaissez pas ? Non. Vous vous appelez Vera ? Non, je m'appelle Alyssa. Sémion ressentit des picotements dans les talons, une soudaine envie de partir au plus vite. La situation commençait à lui paraître épouvantablement stupide. Vous devez faire erreur. Ah oui, je me suis trompé, excusez-moi. Allô ? C'est Volodka. J'ai des nouvelles pour toi. J'en ai aussi pour toi. Il faut qu'on se voie. De retour chez lui, Sémion resta un moment troublé par sa conversation avec Volodka. Le type qui le suivait s'était révélé être son voisin de palier, Igor. Et celui-ci prétendait avoir agi à la demande de Véronica. Volodka, désireux d'apaiser son ami et chef, déclara avoir intercepté Igor avant que Sémion rencontrât la femme blonde. Le meurtre du pharmacien lui revint tout à coup en mémoire, ainsi que le regard de sa femme, franchement inquisiteur, quand elle lui avait parlé du crime et de la tache bizarre sur sa chemise. À présent, elle allait prendre le café avec la veuve du pharmacien et demander au voisin de filer son propre époux. De quoi le soupçonnait-elle ? De la tromper ou bien d'avoir tué le mari de sa nouvelle amie ? Sémion poussa un soupir. Borispol, rue du 9 mai. Avec le retour de Mourik, les relations entre Dima et Valia s'étaient passablement détendues. Valia avait décidé de travailler et sans aucun problème s'était trouvé une place de caissière dans une petite salle de machine à sous à côté de la gare routière. Ce matin-là, de retour de l'aéroport après une nuit de travail, Dima était fatigué et affamé. Une fois repu, il gagna la chambre, baissa les stores et s'allongea. Il dormit longtemps d'un sommeil profond. Dima, lève-toi, dépêche-toi. Viens, dépêche-toi, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez. Mais j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Sur le seuil, il découvrit un chat gris, crasseux, à ce point efflanqué qu'il semblait bien qu'il n'eût plus que la peau sur les os. Il gisait par terre, inerte. Dima ne quittait pas des yeux la bête épuisée. Moulo, c'est toi ? Il avait l'impression de reconnaître en lui le vrai Mouric, celui-là même qu'il avait, de ses mains, jeté dans le puits de la cour d'immeuble devenu terrain vague. Seulement le chat, à ce moment-là, était mort. Allez, il fait froid. Oh là là, viens. Viens avec maman. Il est plus mort que vif. Morlo, c'est bien toi? C'est ma faute. Mais pourquoi tu dis que c'est de ta faute? Je suis allée plusieurs fois à l'église prier pour le retour de Mouric. Et comme les prières n'y faisaient rien, j'ai été voir une extra-lucide. Une extra-quoi? Une extra-lucide. Elle m'a dit que Mouric était vivant, mais qu'il était tombé dans une fosse profonde, qu'il ne pourrait en ressortir que lorsque quelqu'un viendrait y jeter autre chose. Et puis, elle m'a dit aussi que j'entendrais dans mon sommeil une voix disant « Il reviendra ». Il reviendra? Oui. Et que je devrais compter le nombre de fois qu'il prononcerait ces mots. Et qu'à la 30e, Mouric reviendrait. Ces mots, je ne les ai entendus que 7 fois. Et puis tu l'as retrouvé tout seul. Hein? Les extra-lucides tiennent leur pouvoir du diable, tu sais. J'ai demandé de l'aide en même temps à Dieu et à Satan. Satan? C'est donc Dieu qui nous a rendu le premier Mouric. Et le second, c'est le diable. Ce sont un seul et même chat, mais envoyé par des voix différentes. Quoi? Je pensais que ça aiderait Mouric à revenir. Bon, je vais faire un tour au garage, moi. J'ai besoin d'être seul. Dans son coin de garage, Dima brancha le radiateur de fortune, puis se versa un verre d'alcool. Il se souvint de son mourlot lapant le liquide de l'ampoule. Il retourna rapidement chez lui, prit le chat et l'emporta au garage. Il avala encore un verre, puis tira une ampoule d'une boîte, en brisa l'extrémité et vida le contenu dans une assiette qu'il plaça devant le chat gris. Celui-ci releva le museau. Des lueurs s'allumèrent dans ses yeux. Il rapprocha sa tête d'un mouvement frénétique et lapa tout le liquide jusqu'à la dernière goutte. C'était « L'étier de nuit » de Andrei Kourkov. Avec Sophie Doll, Frédéric Pierrot, Olivier Clavery, les narrateurs. Et Robinson Stévenin, Emeline Bayard, Fabrice Pierre, Valérie Moinet, Clara Noël, Émeric Le Serre, Marie Daude, Norbert Ferrer, Olivier Cruveillé, Luce Mouchel, Marie-Odile Weiss, Patrick Autier, Louis-Marie Audubert, Bertrand de Rofignac, Christina Crévillienne, et les voix de Jean Ocotrel et Pauline Moulaine. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale, Damien Salançon. Violon,